معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, répond à cette question. Les trois fondements, donc, qu'il est une obligation pour l'être humain de connaître, c'est-à-dire la connaissance de que l'homme connaisse son Seigneur, connaisse sa religion et connaisse son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. خص هذه الأصول الثلاثة لأنها أساس الدين. Donc, l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a spécifié ces trois fondements, ces trois bases, car elles sont la base de la religion. Ma'rifatul Rabb, la connaissance du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatul Din, et la connaissance de la religion, wa ma'rifatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les trois bases qu'il est une obligation pour chaque être humain de connaître. Connaître Allah, connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam, et connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes qu'Allah ait envoyé à l'humanité. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa qad jaa fi hadith 'inda Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Donc il a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, dans le recueil de hadith authentique de Muslim, il a été rapporté que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: aura certes goûté la douceur de la foi, aura certes goûté le délice le délice de la foi, quiconque aura agréé Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. Wa fi hadith akhar anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque aura agréé Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager, eh bien le paradis, il est une obligation, le paradis sera pour lui une obligation, il rentrera obligatoirement au paradis. Idhan man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula وجبت له الجنة وقد ذاق طعم الإيمان. Donc quiconque aura agréé Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, toute personne qui aura agréé ces choses-là, eh bien, il entrera au paradis assurément, et c'est cette personne-là qui aura goûté le délice de la foi. لكن كيف يتحقق الرضا بالله ربا وكيف يتحقق الرضا بالإسلام دينا وكيف يتحقق الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Mais comment se concrétise donc le fait d'agréer Allah comme Seigneur et d'agréer l'islam comme religion et d'agréer Mohammed صلى الله عليه وسلم comme prophète, comment cela se concrétise-t-il? لأن هذا ليست مجرد دعوة. Car ceci n'est pas une simple prétention. من قال رضيت بالله ربا. Celui qui dit j'ai agréé Allah comme Seigneur. بلسانه, avec sa langue. Avec sa bouche il dit j'ai agréé Allah comme Seigneur. لكن هذا يستلزم منه أمور. Mais ceci, cette parole, implique qu'il va devoir faire des choses par rapport à cette parole-là. إذا قلت أرضيت بالله ربا, si tu dis que tu as agréé Allah comme Seigneur, ceci implique que tu vas devoir faire certaines choses. فالرضا بالله ربا يكون أولا بالإيمان به. Donc, le fait d'agréer Allah comme Seigneur, tout d'abord, ceci implique de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. تؤمن بوجود الله عز وجل. Tu crois à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses. Si tu dis que tu agrées Allah comme Seigneur, ça veut dire que tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. وكذلك يستلزم منك توحيده. Que tu l'unifies, que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala. بأنواع التوحيد الثلاثة. Tu vas unifier Allah subhanahu wa ta'ala à travers les trois types de tawhid. Tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. فتوحد الله عز وجل وتؤمن بأنه الرب الواحد الخالق الواحد الرازق الواحد المدبر لهذا الكون. Donc, tu l'unifies par l'unicité dans la seigneurie en reconnaissant qu'il est le seul seigneur. Tu reconnais qu'il est le seul seigneur, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul organisateur et gérant de tout cet univers. Tu reconnais qu'il est le seul à gérer tout cet univers, le seul à l'avoir créé, et le seul à pourvoir aux besoins de ses créatures. وَكَذَلِكْ تُوَحِدُهُ بِالْعِبَادَةِ تَوْحِدَ الْأُلُوهِيَّةِ. Et également, tu vas l'unifier dans Et également, tu vas l'unifier dans l'unicité de la divinité. Bima'na annaka ta'tarif bi'annahu al-ilahu al-wahid al-haq. Al-ilahu al-haq al-wahid. Alladhi la yastahiqu al-ibadatu aw la yastahiqu al-ibadata illa hu. Donc tu vas reconnaître qu'il est le seul Dieu, le seul vrai Dieu qui mérite d'être adoré. Il est le seul vrai Dieu, le seul qui mérite d'être adoré. فتعبده وحده وتخلص له العبادة. Donc tu vas l'adorer lui uniquement et tu ne vas rien d'autre et tu ne vas et tu ne vas adorer rien d'autre avec lui et tu ne vas adorer rien d'autre avec lui, mais tu seras sincère dans ton adoration, ne recherchant par là que sa satisfaction. وكذلك توحده بأسمائه وصفاته. Et également tu vas l'unifier dans ses noms et ses attributs. فإن لله الأسماء الحسنى. Car Allah subhanahu wa ta'ala a les plus beaux noms. وصفات العلى. Et il a les plus belles qualités, les plus nobles qualités. فتثبت لله عز وجل الأسماء التي ذكرها في الكتاب وفي السنة وتثبت له الصفات التي ذكرها لنفسه في الكتاب والسنة وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc tu vas également unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, à savoir que tu vas, car Allah subhanahu wa ta'ala, afwan, car Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons dit, a les plus beaux noms et les plus nobles qualités. Donc tu vas confirmer à Allah subhanahu wa ta'ala les noms et les attributs qu'il s'est attribués dans le Coran et dans la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité des noms par lesquels il s'est appelé et nous a cité des qualités et des attributs desquels il s'est doté Donc tu dois confirmer ces noms-là et ces attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Wa kadhalik, et également, tu vas réfuter les noms et les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, desquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est désavoué. Les noms et les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfutés à lui-même, hein, les choses dont il ne s'est pas doté, ces choses-là également, tu vas les réfuter à Allah subhanahu wa ta'ala. فمثلاً الله سبحانه وتعالى من ناحية الإثبات الله سبحانه وتعالى أثبت بأنه السميع العليم السميع البصير. Donc Allah سبحانه وتعالى du point de vue de l'affirmation ou de la confirmation, Allah سبحانه وتعالى s'est affirmé qu'il était l'audient, le voyant et l'omniscient. C'est-à-dire qu'il entend tout, qu'il voit tout et qu'il sait tout. Donc tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu reconnais ses qualités à Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms. Parmi ses noms, l'audient, le voyant, l'omniscient. Et parmi ses qualités, le fait qu'il voie, le fait qu'il entende et le fait qu'il connaisse chaque chose. Donc tu confirmes ses qualités et ses noms à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min nahiyat al-nafi. Et du point de vue donc de la négation ou de la réfutation, tu vas réfuter à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana bannahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Il n'a pas de père et il n'a pas de fils. Il n'a pas de parents, il n'a pas d'enfants. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté et a renié le fait qu'on lui attribue des parents ou des enfants. Et il a également renié et réfuté le fait qu'on lui attribue qu'il ressemble à ses créatures. Rien ne lui ressemble. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Donc tu vas reconnaître également ces choses-là et tu vas nier ces choses-là à Allah subhanahu wa ta'ala. فتنفي عن الله الولد وتنفي عن الله الأب وتنفي عن الله مشابهة المخلوقين. Donc tu vas réfuter à Allah subhanahu wa ta'ala le fait de lui donner un enfant ou des parents ou qu'il ressemble à ses créatures. فهذا من الرضا بالله ربا بأنك تؤمن به وتوحده وتطيعه. هذا هو الثالث. Donc nous avons dit parmi les choses qu'implique le fait d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, donc jusqu'à présent nous avons cité deux choses. La première, de croire en son existence. La deuxième, c'est de l'unifier. Et nous avons dit que tu l'unifies dans les trois types de tawhid. La troisième des choses, c'est que si Afwan. La troisième des choses, c'est que si tu agrées Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, eh bien tu vas lui obéir. Tu vas lui obéir. En appliquant ses ordres et en t'écartant de ses interdits. En appliquant ses ordres et en t'écartant de ses interdits. Wa kadhalik min ar-ridha billahi rabban an tarda bi qada'ihi wa qadarihi. وبوحيه وشرعه. Et également, dans le fait d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, c'est que tu vas être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Tout ce qui va t'arriver, tout ce qui va t'arriver et tout ce qui va arriver dans l'univers, tout ce qui va t'arriver et tout ce qui va arriver dans l'univers, tu en es satisfait. Tu es satisfait du... Tu es satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme également tu es satisfait de sa législation. Donc tu dois être, si tu agrées Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, tu vas agréer le destin, tu vas être satisfait du destin et tu vas être satisfait de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il a légiféré à travers ses prophètes. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. ثم الرضا بالإسلام دينا. Puis, comment agrée-t-on, comment se concrétise l'agrément de l'islam comme religion? L'agrément de l'islam comme religion se concrétise dans le fait بأنك تعرف وتعترف بأن هذا دين الله عز وجل الذي لا يقبل دينا إلا الذي لا يقبل دينا سواه. C'est que tu reconnaisses que l'islam est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée. Et que toute autre religion est caduque. La yakbaluha Allah azza wa jal. Toutes les autres religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le rastafarisme, toutes les autres idéologies, toutes les autres religions, Allah subhanahu wa ta'ala ne les accepte pas. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah nous dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam, eh bien ceci ne sera point accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. فَالرِضَى بِالْإِسْلَامِ دِينًا أَنْ تَعْرِفْ وَتَعْتَرِفْ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ هو دين الله الحق الذي لا يقبل دينا سواه. Donc le fait d'agréer l'islam comme religion, c'est que tu reconnaisses tout d'abord, en premier lieu, que la religion de l'islam est la seule religion acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que toute autre religion est caduque. وكذلك الرضا بالاسلام دينا يكون بالتزام الاسلام عقيده وعباده واخلاقا ومعامله وغير ذلك. Donc également le fait d'agréer l'islam comme religion, c'est que tu vas te conformer à la religion de l'islam, tu vas te conformer à la religion de l'islam dans ta croyance, donc tu auras une croyance conforme à la religion islamique, tu auras une croyance islamique, et également tu vas te conformer à l'islam en ce qui concerne les adorations. Donc tu vas accomplir les adorations de l'islam. وَمِنْهَا أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسِ. Et parmi ceux-là, les cinq piliers de l'islam. Et également, tu vas te conformer à l'islam en ce qui concerne ton comportement. فَتَتَخَلَّقُ بِأَخْلَقِ الْإِسْلَامِ. Donc tu vas te comporter tel que l'islam nous a demandé de nous comporter. وَكَذَلِكَ. Et également dans tout ce qui concerne les transactions commerciales et les relations familiales, dans toutes ces choses-là, tu vas te conformer à l'islam. فهذا هو الرضا بالإسلام دينا. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كيف يتحقق؟ Et comment se concrétise l'agrément de Mohammed comme messager, comme prophète? Comment se concrétise l'agrément de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager et comme prophète? Awalan, bi an ta'tarif bi anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam rasulullah haqqan, que tu reconnaisses que tu reconnaisses que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vraiment le messager d'Allah, était un vrai prophète qu'Allah a envoyé. Awalan. Ceci en premièrement. Thaniyan, bi'an ta'tarif bi'annahu ursila ila al-jinn wal-ins ila jami'i an-nas min al-jinn wal-ins wa la yajuzu li ahadin min an-nas al-'udul 'an shari'atihi wa dini. Donc la deuxième des choses, c'est que tu reconnaisses que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité, à tous les hommes et tous les djinns, et qu'il est une obligation pour tout le monde, pour toutes ces créatures, de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. Nul n'a le droit de se détourner de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour d'aujourd'hui. Donc tu dois reconnaître cela. Si tu agrées le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, tu dois reconnaître que personne n'a le droit de délaisser sa religion avec laquelle Allah l'a envoyé. Tu reconnais qu'il a été envoyé à toute l'humanité et à tous les djinns et les hommes. Thalithan, bi'an tusaddiquhu fima akhbar. Bi'an tusaddiquhu fima akhbar. Troisièmement, c'est que tu crois à tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Si tu agrées Mohammed comme prophète, tu dois croire à tout ce qu'il a dit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. كل ما بلغه عن الله عز وجل من الدين تؤمن به وتصدقه. Tout ce que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a rapporté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois y croire. رابعا ان تطيعه فيما امر, que tu lui obéisses dans ce qu'il t'a ordonné, que tu lui obéisses dans ce que Mohammed sallam a ordonné. Ma amara bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yajibu 'ala al-muslim ta'atuhu fi dhalik. Tout ce que le prophète sallam a ordonné, il est une obligation pour le musulman de le faire et d'obéir au prophète sallam dans cette chose. Khamisan an tajtaniba ma naha 'anhu. Que tu délaisses ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Cinquièmement, que tu délaisses ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Si tu as vraiment agréé Mohammed comme prophète, eh bien tu vas délaisser les choses qu'il t'a interdites. Sadisan wa akhiran, an la ta'budallaha illa bima yuwafiqu sunnatahu. Sallallahu alayhi wa sallam. Que tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, que tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec les choses qui sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bima'na annaka tatamassak wa tattabi' sunnatahu sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu dois t'accrocher à sa sunna. Le sixième point, c'est que tu dois t'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idha kunta ترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Si tu agrées réellement le Mohammed comme messager et prophète. إذن من حقق هذه الأمور فقد رضي بالله ربا حقا ورضي بالإسلام حقا بالإسلام دينا حقا ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حقا. Donc celui qui aura concrétisé toutes ces choses que nous venons de citer, c'est lui qui aura véritablement agréé Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, et l'islam comme religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Atadunun an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yadmanul jannata liman radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya balash majjanan بلا تعب بلا جهد بلا اجتهاد كلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمثله فهو لأنه يحتاج إلى جهد Fahris ala dukhul al-jannah. Donc, est-ce que vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait garanti le paradis à une personne qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme prophète? Est-ce que vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait garanti le paradis à cette personne-là en pensant que c'est quelque chose de facile? Jamais de la vie. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti le paradis à cette personne-là, c'est parce que ça demande des efforts. لأن سلعة الله عالية أو غالية عفوا سلعة الله غالية سلعة الله غالية سلعة الله غالية سلعة الله الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ceci car la marchandise d'Allah vaut cher. La marchandise d'Allah vaut cher. La marchandise d'Allah vaut cher, comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. Et la marchandise d'Allah n'est rien d'autre que le paradis. Donc le paradis vaut cher. Tu ne pourras pas rentrer au paradis gratuitement. Tu ne pourras pas rentrer au paradis si tu ne fais pas d'efforts. Tu ne pourras pas rentrer au paradis si tu suis tes passions, si tu te laisses aller à tes envies et à tes désirs. Si tu veux gagner le paradis, il va falloir que tu fasses des efforts. Donc fais des efforts pour pouvoir entrer au paradis. وهذه المسائل الثلاث وهذه المسائل الثلاث التي هي الرب والدين والنبي صلى الله عليه وسلم هي المسائل التي يسأل العبد عنها حين يوضع في قبره. Et ces trois choses, c'est-à-dire Allah, la religion de l'islam et le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, ce sont les trois questions qui sont posés au serviteur lorsqu'il est mis dans sa tombe. فقد جاء في الحديث الصحيح أنه إذا وضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان اسمهما منكر ونكير يأتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك. Donc il a été rapporté dans un hadith authentique que le prophète a dit, lorsque l'homme est mis dans sa tombe, deux anges viennent à lui. Ces deux anges s'appellent Munkar et Nakir. Munkar et Nakir. Donc, lorsque l'homme est mis dans sa tombe, deux anges lui viennent à lui. Et ils le questionnent, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? لاحظتم العلاقة بين الحديث وبين الأصول الثلاثة. Vous avez remarqué le lien qu'il y a donc entre ce hadith, ces questions qui sont posées dans la tombe, et entre les trois fondements que le Cheikh a voulu expliquer dans son livre. C'est pour cela qu'il a voulu expliquer ces trois fondements qui sont qui est le Seigneur, qu'est-ce que la religion et qui est Mohammed. Car ce sont les trois questions sur lesquelles tu seras questionné dans ta tombe. Donc tu dois les apprendre. Tu dois apprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois apprendre qu'est-ce que l'islam. Et tu dois apprendre qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour que tu puisses agir en fonction de cela. Et que tu obtiennes la réussite et que tu puisses répondre correctement aux questions des anges lorsqu'ils te questionneront dans ta tombe. Donc ces deux anges posent la question à l'homme lorsqu'il est mis dans sa tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Fayujibul mu'min. ربي الله ودين الإسلام ونبي ومحمد النبي فيوسع له في قبره ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من ريح الجنة وينظر إلى مسكنه في الجنة. Donc quant aux croyants, lorsque ces deux anges lui posent ces trois questions, le vrai croyant répondra: mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et Mohammed est mon prophète. Et alors, lorsqu'il répond correctement à ces questions, sa tombe est élargie. Sa tombe est élargie, et on lui ouvre une porte, à travers laquelle il voit sa place au paradis, et des délices du paradis commencent à lui venir déjà dans sa tombe. Ceci est pour le croyant. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ. Quant aux mécréants et à l'hypocrite, الْكَافِرُ مَنْ أَظْهَرَ الْكُفْرُ. Le mécréant, c'est celui qui se déclare directement mécréant, qui dit qu'il n'est pas musulman. Celui-là, c'est le mécréant. وَالْمُنَافِقُ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامُ وَأَبْطَنَ الْكُفْرَ. Et quant à l'hypocrite, c'est celui qui montre en apparence l'islam, mais au fond de son cœur, c'est un mécréant. Il ne veut pas de l'islam. Ceci est la définition du munafiq. Donc, ces deux-là, le mécréant et l'hypocrite, يقولان عند السؤال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Donc, le mécréant et l'hypocrite, hein, ces deux-là, lorsque ces questions leur seront posées, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète, il dira, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, et j'ai répété comme ils ont dit. Il suivait les gens, il ne suivait pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas cherché à connaître la vérité, mais il suivait les gens. Les gens égarés. Donc, il dira, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai répété comme eux. Fayudrab bimirzibatin min hadid. Yasihu minha sayhatan. Law sami'aha an-nas la sa'iqu. Wa yudayyiqu 'alayhi fi qabrihi. حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها وينظر إلى مسكنه في النار والعياذ بالله. Donc, le mécréant et l'hypocrite, ils diront, je ne sais pas, j'entendais les gens dire quelque chose et je répétais comme eux. Alors à ce moment-là, lorsqu'il répond à ces questions par ces réponses-là, les anges le frappent avec une barre de fer. Et il pousse un cri. Si les créatures entendraient ce cri, si les djinns et les hommes entendraient ce cri, ils tomberaient certes évanouis. Ils perdraient connaissance. Puis, sa tombe se resserre sur lui. Sa tombe se resserre sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrelacent. Et il lui est ouvert une porte sur l'enfer. Il voit sa place en enfer. Et commence déjà dans sa tombe à lui venir les poisons et les supplices de l'enfer. Et la chaleur de l'enfer. إذن هذه المسائل الثلاثة يجب علينا تعلمها. والإيمان بها والعمل بمقتضاها لعل الله أن يثبتنا عليها عند السؤال في قبورنا. Donc ces trois questions, à savoir qui est le Seigneur, quelle est la religion et qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des questions importantes que tout être humain doit apprendre et auxquelles nous devons croire. Ce sont trois questions que nous devons apprendre et auxquelles nous devons croire et selon lesquelles nous devons agir. Peut-être que par là, Allah subhanahu wa ta'ala nous affermira lorsque les anges nous questionneront dans notre tombe. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Et si tu es questionné, qui est ton Seigneur? Alors réponds, mon Seigneur est Allah. Mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué, celui qui s'est occupé de moi et qui s'occupe de tout l'univers en leur accordant ses bienfaits. Et c'est lui mon Seigneur, ou c'est lui que j'adore. Je n'adore personne d'autre à part lui. فالله سبحانه وتعالى هو الرب والرب هو الخالق المربي الرازق المحيي المميت. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui qui crée. Le Seigneur, c'est celui qui a créé. Et celui qui pourvoit aux besoins de ses créatures. Et qui s'occupe de ses créatures. Et qui donne la vie et la mort. C'est lui le Seigneur. Celui qui accorde ses bienfaits à toutes ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-rabb. Donc Allah, c'est lui le Seigneur. Car c'est lui le Créateur. وبما أنه الخالق وبما أنه الخالق الرازق المدبر فإنه هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. Donc du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Créateur, pourvoyeur, organisateur de tout cet univers, donc c'est pour cela que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. أما الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر هذا الكون فلا يستحق أن يعبد. Quant à celui qui n'a pas créé, qui ne pourvoit pas aux besoins des créatures, qui n'organise pas tout cet univers, il ne peut pas être adoré. Il ne mérite pas d'être adoré. Wa ni'amullahi azza wa jal kathira jiddan. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très nombreux. لا تعد ولا تحصى. On ne peut les dénombrer. نعمة الإيجاد, le bienfait de la création. نعمة الهداية, le bienfait de la guider. نعمة الإسلام, le bienfait de l'islam. نعمة الإيمان, le bienfait de la foi. نعمة الحفظ, le bienfait de la protection. نعمة الأمن, le bienfait de la sécurité. Ni'matu sihha, le bienfait de la santé. Wa ghayri dhalika min an-ni'am. Et tous les autres bienfaits. Min al-amwali wal azwaj wal awlad. Tels que les biens, l'argent, les femmes, les enfants. Kullu hadhihi ni'amun min ni'amillahi 'azza wa jalla. Toutes ces choses sont des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَنِعَمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قِسْمَانِ. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux types. نِعَمٌ دِينِيَّ. Des bienfaits qui ont trait à la religion. Des bienfaits qui ont trait à la religion. C'est le premier type. وَنِعَمٌ دُنْيَوِيَّ. Et le deuxième type, des bienfaits qui ont trait à la vie du bas monde. À la vie du bas monde. Wa a'zamu an-ni'am, et le plus grand de tous ces bienfaits, ni'matu al-islam wa sunnah, le bienfait de l'islam et de la sunnah. Wa lahidhu anni qult wa sunnah. Et remarquez que j'ai cité, en plus de du bienfait de l'islam, le bienfait de la sunnah. لأن هناك مسلمين لكنهم مسلمون ضالون منحرفون عن السنة وقعوا في البدعة فهؤلاء نعمة الإسلام في حقهم ناقصة ينقصهم شيء. Donc remarquez que j'ai cité donc le bienfait de la sunna avec le bienfait de l'islam, car il y a des gens qui sont certes musulmans mais qui se sont égarés et qui sont tombés dans l'innovation, qui ont contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là, il leur manque une partie du bienfait de l'islam. لأن الإسلام لا يتم إلا بالسنة. Car l'islam ne peut être complet qu'avec la sunna. نعم. إذن أعظم النعم نعمة الإسلام والسنة. Donc le plus grand des bienfaits, c'est le bienfait de l'islam et de la sunna. لما فيها من التيسير. Car l'islam et la sunna contiennent la facilité. والراحة النفسية. Et dans l'islam et dans la sunna, tu vas trouver la paix de l'âme, la paix de ton âme, la sérénité de ton âme. Wa inaratul qalb, et l'illumination du cœur. Les cœurs s'illuminent. Les cœurs s'illuminent par la lumière de l'islam et de la sunna. L'islam et la sunna mettent la lumière dans le cœur de l'être humain. Wa wada'atul wajh. Et la beauté du visage. Man qama bil islam wa sunna. Jammalahu Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui applique l'islam et la sunna, Allah va embellir son visage. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, naddara Allah imra'an sami'a maqalati fa wa'aha. فأداها كما سمعها كما حفي كما كما سمعها. Qu'Allah, le prophète sallam disait qu'Allah enjolive, qu'Allah embellisse le visage de celui qui aura entendu ma parole, puis l'aura apprise et l'aura transmise comme il l'a entendu. رأيتم فضل السنة والتمسك بالسنة وتعلم السنة والدعوة إلى السنة. Vous avez remarqué donc le bienfait et le mérite de la sunna, de l'apprendre, de l'appliquer, de la transmettre, d'appeler les gens à la suivre. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, naddara Allah imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Car le prophète sallam nous dit qu'Allah embellisse le visage de celui qui aura entendu une de mes paroles, puis l'aura apprise et l'aura retransmise comme il l'a entendu. Et également, le fait de d'appliquer l'islam et la sunna donne de la force aux membres. Donne de la force aux membres. وَلِذَلِكَ تَجِدُونَ الشيوخ الكبار كبار السن يذهبون للحج وفي بلدانهم هم ضعفاء عندهم أمراض لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه بنفسه فإذا ذهب إلى الحج نشط كأنه شاب ما به بأس. Donc vous voyez des gens âgés, des personnes âgées. Dans leur pays, ils sont malades, faibles, fatigués. Ils ne peuvent s'occuper d'eux-mêmes, ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux. Puis lorsqu'ils vont au pèlerinage, Allah leur donne une force. Et vous les voyez qui accomplissent les rites du pèlerinage comme un jeune homme. هذا آية من آيات الله عز وجل. حيث إنه قام بالإسلام فالله سبحانه وتعالى أعانه على القيام به بمجرد قصده القيام بالإسلام والسنة أعانه الله على القيام بالإسلام والسنة. Simplement parce qu'il a eu l'intention, il a voulu, il a fait l'effort d'appliquer l'islam et la sunna en allant faire son pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une force, il l'a renforcé pour qu'il puisse accomplir ses rites et suivre نعم الإسلام إلى السنة. نقف على هذا لوقت الأذان ونواصل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.